Chapitre 23e. Vous faisiez souvent des parties comme celle de Garche, dit soudain André à sa femme le lendemain matin. Il marchait sur la route qui domine la mer. Elle avait quitté son bras pour cueillir un bouquet et son visage était penché sur les fleurs sauvages. Oui, dit-elle lentement, de ton mesuré. Une comédienne de talent, retirée depuis 2 ou 3 ans, avait là une fort belle maison de campagne, où elle invitait le dimanche des jeunes gens du monde et des artistes. On s'amusait beaucoup. Ce n'est pas de Saint-Chey qui était le plus brillant de la société, mais il a toujours eu la passion des chevaux et il était fort recherché parce qu'il les offrait volontiers. Il demeure aussi quelque part par là, je ne sais où. C'est dans les bois de Garches que j'ai appris à monter à cheval. Jamais elle n'en avait dit si long ou d'une haleine sur ses propres souvenirs. Juste en fut tout étonné, mais en même temps charmé. C'est une aimable femme, et qui a eu une réputation méritée. Quand vous voudrez, je vous la ferai connaître, prit Rose en revenant vers lui. Elle voit la meilleure société. Je vous remercie, dit André adouci, mais vous savez que je ne suis pas friand des plaisirs du monde. Si vous me le permettez, mon ami, fit-elle en lui prenant le bras, je pourrais vous insinuer, avec toutes les précautions requises, que cet éloignement du monde, si bien dans vos goûts, n'est pas absolument en rapport avec les miens. J'ai toujours vécu dans le monde, dans un certain monde, veux-je dire, où l'on se voit volontiers, où les plaisirs innocents sont permis, où le théâtre, la musique, la danse et l'équitation sont des choses avouables, où les maris accompagnent leurs femmes quand ils en ont envie et les laissent aller seuls quand ils préfèrent rentrer chez eux. Un monde qui n'est pas le grand monde, j'en conviens, mais où nous voyons des gens du grand monde qui ne croient point se fourvoyer en venant chez nous. Un monde où l'on se marie, où l'on baptise, où l'on se conduit en un mot absolument comme si l'on était du meilleur monde, et je vous assure qu'on en est en dépit des préjugés. Elle marchait d'un pas égal, et parlait avec une assurance calme, avec une dignité de bon ton qui la faisait vraiment l'égale des femmes les plus considérées. André en combat avec elle-même. « Ce monde, mon ami, reprit-elle, est à vrai dire le monde où vous et moi nous devons vivre. Vous y trouverez des architectes, des banquiers, des compositeurs, des ingénieurs même. » Elle sourit avec une raillerie délicieuse. Et ils y vont avec leurs femmes. Ils y jouent la comédie de salon, et invitent pour cela les artistes du théâtre français, soit à leur donner des leçons, soit même à paraître sur leur scène. Ils sont membres des clubs les mieux fréquentés, y compris le jockey, car Saint-Chey est du jockey, l'esprit n'étant pas au nombre des qualités exigées. Que voulez-vous de mieux? Est-ce la chambre? Mais nous y voyons des députés et des peintres qui font le portrait de ces mêmes députés. Est-ce la chambre haute? Mais bon nombre de sénateurs s'y rencontrent avec nous. Si c'est le faubourg Saint-Germain, ici je m'avoue vaincu. Mais vous y verrez une partie, pas tout, du faubourg Saint-Honoré, et c'est déjà bien gentil. Alors dites-moi, ô mon mari, pourquoi vous ne voulez pas que nous fréquentions des salons si bien peuplés? André demeura grave, malgré le charme du joli visage qui se levait vers le sien. Parce que, ma très chérie, dit-il, je n'appartiens encore à aucun monde, et que je veux être quelqu'un par moi-même avant de mêler à ceux qui ont un nom. Mon nom, un nom de baptême, sera peut-être distingué quelque jour. En attendant, je préfère vivre dans l'obscurité, avec mon travail, qui me donnera, je l'espère, la gloire et la fortune, avec vous, ma chère femme, qui me donnez le bonheur. Il pressa le bras de Rose contre son cœur. Elle sourit et le regarda avec confiance. Il était très beau, sous son chapeau de paille à large bord, qui ombrageait son visage mâle et régulier. Il jeta un coup d'œil autour d'eux, s'assura qu'ils étaient seuls et imprima un baiser sur les lèvres de Rose. « Mais, reprit celle-ci quand ils eurent fait quelques pas, moi, je serai vieille quand vous serez célèbre. Ne me faites pas de compliments, mon cher mari. Vous avez vu mon acte de naissance. Avant d'avoir des cheveux blancs, j'aimerais jouir un peu de la vie. Vous le savez, je vous l'ai dit dans une circonstance que vous ne pouvez avoir oubliée, j'ai soif de considération. » La considération de Chartres, juste, dis-moi, est-ce le maximum de la considération à laquelle j'ai le droit de prétendre? Est-ce que celle de Paris ne m'est pas également due? Tu vas aller vivre à Paris? Mais nous y serons pauvres avec ce que j'ai, tandis qu'en province, nous sommes presque riches. Attends un peu, Rose, aie patience. Dans 2 ans, j'aurai terminé un grand travail que je fais en ce moment, et j'espère alors avoir de quoi satisfaire tous tes désirs. Rose était vaincue. Quand son mari lui parlait avec cette calme décision, il n'y avait pas à revenir sur ses paroles. Elle baissa la tête d'un air résigné. « Soit, dit-elle, En attendant alors, amusons-nous de notre mieux. Quand irons-nous à Trouville ? » Juste n'avait pas la moindre envie d'aller à Trouville, mais on ne peut pas toujours refuser. Il promit pour un jour de la semaine suivante. En rentrant chez eux, ils trouvèrent une lettre qui obligeait André à se rendre à Paris le lendemain. « C'est peut-être l'avenir qui est là-dedans, » dit-il à Rose en lui montrant le cachet du ministère. « Ces sortes de lettres ne m'ont jamais apporté que de bonnes nouvelles. Bientôt, cher, bientôt, j'espère pouvoir t'accorder tout ce que tu me demanderas. » C'était fort bien, mais Rose avait été habituée à tout avoir sans le demander.